Je ne dis rien, mais voilà qu'aujourd'hui, elles sont les lasagnes de mon four, de ma vie, je les aime à mourir. Vous pouvez manger tout ce qu'il vous plaira, je n'ai qu'à ouvrir l'espace de leur plat pour ne pas maigrir, pour ne pas maigrir, je les aime à mourir. Je marie les carottes avec les oignons, font danser les courgettes et les champignons, elles vont pas vieillir. Elles ont bâti un pont entre ma bouche et le ciel, je suis plus excitée qu'à la veille de Noël. Je les entends frémir, je me sens frémir, je les aime à mourir. Il a fallu tester toutes les recettes pour qu'elles soient si bonnes aujourd'hui. Il a fallu tester toutes les recettes.